Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional et ce matin en parlant de Kevin Fortin-Simard qui n'a pas été en mesure d'éviter la coupure lors du tournoi de qualification qui avait lieu hier en vue du tournoi de l'Omnium des États-Unis qui aura lieu du 10 au 16 juillet prochain à Pebble Beach en Californie. Kevin Fortin-Simard a joué deux rondes hier, a joué une ronde de 76 et a joué une ronde de 79 pour un total de 145. Ce qui lui a évité de ce qui lui a pas permis par contre d'éviter la coupure. Donc on prenait seulement 4 golfeurs sur 73 pour poursuivre le tournoi de qualification. C'est quand même une bonne performance pour le golfeur de Saint-Prime puisqu'il a été le meilleur Canadien. Son prochain tournoi aux États-Unis aura lieu le 12 juin prochain au Connecticut. Parlons maintenant de deck hockey avec des matchs qui nous intéressaient hier à Saint-Prime hier d'abord faites à noter que victoire du côté de la formation des Eagles qui ont perdu plutôt contre les Boys 6-3. Pour les Boys, 3 buts passes pour William Langlais, 2 buts pour Gabriel Langlais. Et pour les perdants, les filets ont été inscrits par Olivier Launière et Sheldon Bucknell-Robertson. Et dans l'autre match, faites à noter hier également que victoire de 7-4 pour la formation des Kings contre la formation des Kings. Pour l'équipe gagnante, 5 buts de passe pour Jérémy Allard, 1 but de passe pour Félix Boudreau et 3 passes pour Frédéric Noël. Le meilleur joueur du côté des Kings a été Alexandre Cloutier avec une production de 2 buts. Maintenant, du côté du deck hockey, mais à Dolbeau-Mistassini, il y avait un programme double hier. Et les Bucks et les Limberjacks. Les Bucks ont gagné 8-4 contre les Limberjacks et 16-2 contre le Team Fire. Ce soir, c'est l'ouverture officielle qui va se faire au Parc Lyon. Il y aura une mise en jeu officielle pour souligner le début de la saison du deck hockey. Au soccer, maintenant, il y avait des matchs dans les différentes ligues de soccer. D'abord, faites noter que dans la catégorie U16 masculin, victoire plutôt verdict de 3-3 entre l'Union de Roberval et la FC de Saint-Félicien. Aussi également, faites à noter dans les autres matchs également que le Chinook de Chicoutimi dans le masculin a défait Saint-Bruno 3-1. Et c'est ce qui complète évidemment. Les autres matchs auront lieu ce soir. Maintenant, Ligue de balle lente de Dolbeau-Mistassini. Il y avait des matchs hier et on a un pointage. Le Météor a défait le Métro 17-14. Après deux semaines au classement, on retrouve le Météor à 8 points, le Sport Expert 4 points, Métro 4 points et le Saint-Hubert à aucun point. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Frédéric Degg de la presse canadienne de la vente possible des Alouettes. Et également, Bernard Barry vient nous parler de la plus grosse surprise dans le monde de la boxe depuis plusieurs années, la défaite de Joshua contre Andy Ruiz. Sport local et régional, à DanRadioSport.com, son équipe.